Ah ben les tourtières sautaient une porte à part, c'est une porte très légère. Comment on la faisait? Eh bien, on faisait la porte, comme disons, de gâteau sec, si tu veux. Très bien. Oui. Et puis... expliquez comment... Eh bien, on met sa farine, un petit peu de beurre, et puis un petit peu de lait, même de l'eau qu'on peut mettre, parce qu'ils sont plus légers, ils se soulèvent plus. Et puis quand on l'a bien élevé, tu grattes ta porte deux ou trois fois, et puis tu l'étales sur une table, puis tu coupes tes carrés, tourtisseaux. Et puis après, ta poêle qui est prête, une grande poêle, qu'il faut, ça t'en tient 5, 6, tu les fais, tu les tournes, puis tu les enlèves, tu les mets un plat, puis tu recommences. C'est toujours la même graisse qui sert. Oui, c'est ça. Oui, toujours la même. Combien de temps faut? À cuire? Oh, faut pas grand temps. Si tu fais ça sur un bon feu, d'autres fois qu'on en faisait comme ça, là, eh ben, faut vite les tourner, hein. Mm-hmm. On va vite faire une tournée de tourtisseau. Oui. Mais la pâte, faut la laisser. Reposer. Oui, combien de temps? Oh, mesdames, comme on veut, hein. Parce que disons que quand tu l'as fait à 9 heures, tu peux t'y mettre à midi, hein. Oui. Reposer. De la poêle, c'est de la graisse quand même? Ben, ce qu'on veut, de la végétaline ou de la graisse, mais pas de beurre. Pas de beurre? Non, parce qu'il croit qu'il colle. Les tourtisseaux, ah oui. Ils se faisaient en toit. Ah ben, ça en faisait. La végétaline qu'on faisait tout. Hein? Avec la végétaline. La végétaline. Ou l'huile peut-être? Oh, peut-être un petit peu d'huile, oui, je sais pas. Moi, il faisait tout le temps à la végétaline. Puis là, tu fais comme tu non, veux. Ça, on a toujours encore de la végétaline, mais je ne sais pas si elle est la même. Je ne sais pas. Et puis là, tu mettais ça dans un linge, dans un panier, bon, sans manger des tourtisseaux autant qu'il y en avait. Puis on était... Ah, ben, dans les fermières faisant une bonne femme, dans le grand panier, la patate que tu mettais en... Oui, pour durer 3-4 jours. Il ne fallait pas y toucher. Moi, tu vois, deux fois, je me rappelle... Ils ne voyaient pas les bonhommes, ils sont sur le machin, ils prennent un coup de tourtisseau, puis nous sauvions. Oh, madame. Oui. Maintenant qu'ils réussissent mieux que les autres, les tourtisseaux. Maintenant qu'ils se gonflent mieux. Ah oui. On a qui restent. On a qui se gonflent pas. Plat. Au moment qu'il les faisait bon, je ne sais pas. Justement, il était le maire seigneuré, là-bas, le bon assoulis qu'il avait appris. Oh, ça faisait des tourtisseaux. Ils se gonflaient, ils croustillaient, quoi, comme des crapauds. Ah, oui. Parce qu'on en a encore les sous-plats. Mais elle était comme des crapauds, là. Elle était tiens, bon. Ah, vous se faisiez, ça, les tourtisseaux? Ben. Ah, bien, on n'avait pas de mardi gras, qu'on ne se faisait pas de tourtisseaux. Oui. Ah, dans le temps, ben, quand le mardi gras arrivait, hein, les tourtisseaux. Le temps. Mais oui, parce qu'après, beaucoup, on ne mangeait pas pendant le carême. Mm-hmm. On fait que jusqu'au mardi gras, on faisait de tourtisseaux. Mm-hmm. Ouais. Mais vous avez la recette précise là pour tous les trucs, non? Tourtisseau, ouais. Mais comme il dit, tu fais ton. Non, mais les quantités exactes. Ah, les quantités, oh, madame, ça, on en fait mais comme on veut. Parce qu'il me rappelle que maman, quand elle était un saladier comme ça, là, et puis on en faisait peut-être un panier pour mettre pour 2-3 jours, parce que nous, on en mangeait pendant 2-3 jours, hein. Et oui, parce que de la pâte, pour les tendre comme. Oui, fine. La plier. Oui, est-ce qu'il est fait dédoublé? Plusieurs fois, il faut la plier. Ah, deux, trois fois, trois, quatre fois. Et parce que, quatre fois qu'on disait, comment que se fait qu'ils sont si. Ah, ben dis donc, qu'il les a roulés quatre fois. Ben non, trois fois. Puis tu dis qu'il ne faut pas mettre de beurre? Pas beaucoup. Moi, j'ai vu maman mettre un peu de beurre. Oh oui, mais. À toutes les fois, une petite machine de beurre, à toutes les fois qu'elle a machiné. Puis après. En découpant, même pas comme... Ah oui, dans la lière. Oui. Ah oui, elle a rajouté du beurre à chaque fois qu'elle est repliée. Chaque fois, dans son bout de doigt.